Ensuite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez loupé la fin. Cette semaine, les transidentités, pour une fois racontées par les trans, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des conversations dans les couloirs de France Culture avec Hélène Azéra et l'envie de partager sa colère intacte et son humour décapant. Il y a aussi ces choses qu'on ignore et que l'on a honte d'ignorer. La transphobie toujours virulente et les politiques normatives et eugénistes. Et récemment, l'assassinat de Vanessa Campos. Et enfin, il y a le plaisir joyeux de parler avec quelqu'un qui est finalement en accord avec son identité. Mais il y a aussi les revendications des associations trans qui militent en ce moment. Alors pour commencer, les personnages. Une militante les yeux ouverts, des médecins concernés, des travailleuses du sexe fragilisées, une médiatrice qui ne lâche rien, un militant qui ne renonce pas à râler, des militants qui ont besoin d'un espace protégé, un sociologue contre la norme, un jeune homme contre la CPAM, des experts qui veulent garder le pouvoir, des chercheurs et des chercheuses qui se sont creusés une place et un youtubeur militant. Ensuite, le décor. Un hôpital ouvert, des chiffres qui font peur, des examens, le sida, des résultats, des médicaments, une association qui ouvre les portes fermées, des cours de français, des associations de province, l'université et ses méandres et une jeunesse mieux armée. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive en pleine consultation à l'hôpital Bichat. Bueno, ¿qué tal? Bien. Doctor, estaba en Perú, ¿cómo se llama? Ah, llegué de Perú. Dos meses estaba, he venido recién el 9 de marzo. Acá ¿se nota? ¿Se nota? ¿Hizo algo? No. Nada más. ¿Un poco de cirugía? Acá nada más. Acá un poco de cirugía. Vamos a ver cómo los medicamentos, los resultados y luego las otras cosas y revisaremos. ¿Ok? Bueno. Donc, on va déjà voir les résultats. Alors. Je vais essayer de fouiller un petit peu là. Las defensas están a los 620, que está muy bien. El sangre normal, el hígado normal, los riñones normales, el fósforo normal. Bueno, todos los resultados salen buenos, pero me falta la carga viral. ¿Eh? Donc, ce que je vous dis, c'est que comme elle vient d'arriver, son résultat n'est pas prêt. Seulement une partie du résultat, la charge virale n'est pas prête. Quoi qu'il en soit, tout le reste des résultats est tout à fait bien. Voilà, les vaccins c'est bon, le VIH c'est bon, je crois que c'est tout, hein, le prévenard. Bon, après, il n'y a plus qu'à l'examiner. Revisamos. Liberté, égalité, transidentité. Rien pour nous sans nous. Au bout d'un moment, les personnes transgenres ont compris que ce qu'elles obtiendraient, elles l'obtiendraient elles-mêmes. Et surtout, qu'elles étaient les mieux placées pour tout ce qui les concernait directement. Savoir égale pouvoir. ACT UP est passé par là et ça ne fait que commencer. Parce que personne n'a envie de rester éternellement un citoyen de seconde zone. Alors un des premiers endroits à investir pour les militants trans, c'était l'hôpital. Et la question de la prise en charge des personnes transgenres séropositives ou atteintes du sida. Le peu d'études qui ont été faites aujourd'hui démontrent que 3/4 des femmes transgenres au monde sont déjà contaminées par le VIH. Ce que je veux dire, au niveau mondial, c'est énorme. Surtout que l'espérance de vie, et ces mêmes études disent que l'espérance de vie d'une femme transgenre, notamment cumulant des problématiques des cultures, des religions, des races, etc., à une espérance de vie de 35 ans. Et donc, vous avez aussi mis en place un dispositif avec l'hôpital pour justement faire de la recherche aussi? Jusqu'au présent, la question d'interaction entre hormonothérapie et antirétroviraux n'avait été jamais considérée auprès des personnes transgenres. Et donc, ça va être quand même une victoire, non seulement pour la prise en charge globale des personnes, mais aussi une grande satisfaction pour une association telle que la nôtre, en étant nommée dans une recherche telle, la science, elle peut aussi avancer en considérant les gens concernés avant tout. On était délaissés non seulement dans la lutte contre la discrimination, mais aussi dans la lutte contre le sida, une chose gravissime. Giovanna Rincon a fait entrer son association AcceptST au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Oui, alors bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je parle pour une patiente de Thorvert. Claudia est la médiatrice et elle accueille les personnes transgenres, travailleuses du sexe ou pas. Oui, elle veut un rendez-vous, s'il vous plaît, le plus vite possible. Pas le remplaçante, parce que c'est une personne qui vient d'Amérique du Sud et elle parle seulement l'espagnol pour le moment. Demain à midi? D'accord, merci bien. Au revoir. En 2006, c'est l'arrivée de l'extrême droite en Italie. J'avais pas de papier. Et en Italie, à l'époque, le fait d'être en situation irrégulière, sans papier, c'était devenu pénal. Donc, ils m'ont encarcéré deux fois. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire vraiment dans ma vie à moi? Quels sont mes droits, enfin? Et donc, j'ai dit, je quitte définitivement l'Italie. Et je suis arrivé à Paris et je pense que c'est la première fois où je sors du déni, de me dire il faut que j'assume maintenant parce que je pense que moi je suis aussi dans la peur du jugement, d'assumer que je suis séropo. C'est là où je dépose vraiment ma demande de régularisation pour RIH ici. Cette fragilité, je la déteste, je la refuse totalement. Et après, en 2010, c'est là où on a créé AcceptST. Ah, esto es para tratar la gripe, para tratar el problema de la infección pulmonar. Y esto es la medicación de la antirretroviral. Y está pegando una por día. Quand on a créé AcceptST, bah évidemment que la première chose qu'on a souhaité mettre en place, c'était d'intégrer les patients dans la prise en charge. Donc voilà, trois permanences qui permettent que ces personnes qui ont du mal à venir tranquillement vers le soin soient le moins bloquées et que toutes les problématiques en lien avec la langue et l'administratif ne se soient pas une barrière qui pourrait éloigner les personnes du système de soins. Parce qu'aujourd'hui, une des expectatives, c'est de réduire les délais d'accès au traitement pour enfin, évidemment, travailler un jour sur l'éradication de l'épidémie. À quelle heure est ton hôpital dédié le jeudi? Ici, dans cet hôpital, ce que je vois, c'est la professionnalisation d'une prise en charge très spécifique. Pourquoi? Parce qu'ici, on suit notamment des femmes transgenres. Il y a quand même une prise en charge à niveau de endocrinologie spécifique parce qu'il y a l'OVIH là-dedans. Et il faut savoir que l'hôpital, il a une des files actives la plus importante de toute la France en termes de femmes transgenres VIH. Il y a aussi tout ce qui est proctologie, puisque évidemment, il faut savoir que pour cette population, la sodomie, c'est un outil de travail, etc. Donc, il y a une prise en charge globale pour les personnes transgenres touchées par l'OVIH. Au mois d'août, hein, c'est ça? Mardi 21 août, j'ai de la place. Vous allez rester ici au mois d'août? Ah, tipo, si tu as férias, je vais querer viajar, né? Le 28, j'ai une place à 11h. On peut faire ça le 21. Le 20 août, par exemple, c'est un lundi. Ça lui convient? Mais le mois d'août, elle n'est pas là. Ah! Qu'est-ce qu'il faut? Parce que même les personnes trans partent en vacances. On revient quand? C'est le mois de septembre que tu as donné rendez-vous. Alors, attends. C'est une visite qu'on y allait chez un généraliste, mais vu d'un point de vue plus proche, parce que c'est des personnes trans, Ils sont très attentifs parce que souvent il y a des problèmes avec les chirurgies plastiques qui parfois ont été ratées, comme les problèmes de silicone qui a été injecté dans le corps, soit pour les problèmes de mammoplastie, pour les prothèses mammaires qui datent depuis un certain temps. Mais souvent les problèmes de silicone donnent des effets collatéraux que peuvent déséquilibrer les problèmes infectieux. D'accord. Elle est là le 3 septembre, c'est oui. Un lundi. C'est parfait. Merci bien. Merci. Voilà. Merci. Mais le problème, c'est qu'elle vient, elle n'a plus de médicaments. Elle dit, ça fait un mois et demi que je suis loin. Parce que la prostitution à Paris a beaucoup changé. Et elles doivent s'éloigner en province. Et parfois, elles sont dans les petites villes qui n'ont même pas un grand hôpital. Donc, elle a interrompu son traitement le temps de son traitement, c'est un peu problématique parce que là, elle a commencé à... Il y a déjà des résistances qui commencent à se former. Et aujourd'hui, elle ne va pouvoir rien faire. Donc, il y a un petit problème. Plus une personne est discriminée, plus elle sera exposée au risque de contamination parce qu'elle est complètement invisibilisée. Et tout ce qui doit être fait en clandestinité, c'est s'exposer à des conduites à risque. Et est-ce que vous avez l'impression que, justement, les lois sur la pénalisation des clients, par exemple, et sur les lois sur la pénalisation en général de la prostitution, ont fragilisé encore plus les femmes transgenres travailleuses du sexe ? Évidemment que la réponse est oui, mais il faut dire pourquoi. Je peux dire que culturellement, depuis au moins 30 ans, le travail du sexe est devenu quand même quelque chose qui a été intégré comme une stratégie pour faire face à l'exclusion et à l'oppression. Donc, cette loi ne fait qu'augmenter la fragilité et l'exclusion des personnes qui sont déjà victimes de multiples facteurs d'exclusion et qu'en enlevant la possibilité de ces personnes de gagner bien leur vie, on va les obliger à devenir des itinérantes, mobiles en permanence dans toute la France, dans toute l'Europe. Il faut savoir que celles qui étaient déjà suivies, par exemple, à cet hôpital, souvent, ils vont manquer au rendez-vous pour venir au contrôle. Donc, globalement, c'est une catastrophe, en fait, cette loi. Por eso que era para que viaje hoy y ya no sé qué voy a hacer ahora. Mis cosas están allá, mi computadora, todas mis cosas. No sé qué voy a hacer. ¿El tren cuánto cuesta? Y he perdido el billete. Mira, aquí está el billete. Como vous voyez, c'est une personne très jeune y elle est escorte y elle doit travailler dans les. Ouais. Je l'ai dit, si elle pouvait venir demain, elle a dit que non, puisqu'elle va partir aujourd'hui pour aller travailler. Mais le problème, c'est qu'elle a besoin d'un traitement. Et tout ça, ça peut déstabiliser la vie d'une jeune personne. Elle a préféré travailler pour faire de l'argent que se soigner et penser à elle-même. Et elle est en train de penser à sa famille, aux autres, et elle devrait se penser à soi. Et je ne sais pas comment faire. Oui, ok, il y a le VIH. Oui, ok, il y a cette assignation du travail du sexe. Ok, il y a toutes ces problématiques. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de vie à niveau global de ces personnes? Donc, on s'est dit, oui, faire du sport, faire de la natation. Donc, on a mis des sciences de natation. Buenos días, Cuba querida. On a mis en place des projets sur le soutien psychologique. On a mis en place des ateliers sur la santé sexuelle pour parler d'épanouissement des vies de couple de ces personnes. Une chose qui m'a frappé, c'était le niveau des Français des personnes. Certains, ils nous disaient qu'ils vivaient ici depuis 40 ans et ne parlaient pas français du tout. Donc on va commencer. Et qui peut me donner la date ? Aujourd'hui. Et c'est ça que je me suis dit, mais merde, c'est juste pas possible. Pour lutter contre l'exclusion, donc on a mis en place, aujourd'hui il existe dans l'association, 3 jours par semaine, où il y a toute personne, ce n'est pas que pour les personnes trans, il y a des LGBT, hétéros qui viennent, migrantes, pour apprendre et s'initier à la langue. Voilà. Printemps. Tout le monde a des capacités rémanentes. Moi, j'ai passé 20 ans dans le travail du 16, j'ai un parcours. Mon père était cordonnier, j'ai appris à faire les chaussures. J'ai fait la coiffure, le travail social, le travail médical, tout ça. Toutes ces capacités sont là. On apprend beaucoup de choses, même quand on est en situation d'oppression, parfois on ne se rend même pas compte. Et donc, on s'est dit, bon, comme expectative de professionnalisation pour nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire en médiation en santé à l'Université Paris 8, dont aujourd'hui, il y a deux femmes trans de notre association, notamment Claudia, qui fait cette formation. D'ici à 6 mois, non, elle va avoir un diplôme pour la première fois dans sa vie, un diplôme universitaire. Ça peut être quelque chose qui est dans un papier, mais dans le monde bureaucratique dans lequel nous sommes, ça veut dire quelque chose pour pouvoir avoir un travail. Non, s'envoler. Non. A-I. Au pluriel, M-T. Non, attends. Déjà, on est présent. Oui, c'est comme ça. Nous sommes au présent. Au présent. Je m'appelle Wendy et j'ai 20 ans. Je suis de Colombie. Je m'appelle Jean-André. Je m'appelle Onjon. Je viens de Cuba. Je viens du Bangladesh. Je suis Yvonne et je viens de Pérou. Je suis Corina. Je suis arrivé à Paris. Donc, je suis en France depuis. Je suis demandeur d'asile. Parce que moi, c'est Mamadou Bari. Je viens de la Guinée-Conakry. Nuevos amigos. Recién inicié las clases de francés. Kylian, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'association West Trans ? C'est parti d'un constat sur la Bretagne. C'est la merde en Bretagne, il n'y a rien pour les trans. Les personnes qui veulent faire leur transition pour être sûres que le monde médical soit sensibilisé ou qu'au moins il y a des gens qui acceptent de les recevoir, tout le monde allait à Paris. Quoi. C'était le plus facile en fait. Aller à Paris, voire à Nantes. Ils n'avaient pas d'endroit pour se réunir, pour parler et... Voilà, il y avait ça, il y avait des problèmes juridiques, il y avait beaucoup de choses, mais c'était surtout une question aussi d'isolement, c'est un constat d'isolement des personnes, constat qu'on a pu faire encore plus après, quand on s'est rendu dans le Finistère et quand on a senti un petit peu comment les gens se sentaient vraiment loin de tout, démunis, sans moyen de se renseigner des fois, ou juste de voir d'autres trans, hein, parce que des fois c'est juste ça la base. C'était, et c'est encore le but premier, c'est l'autosupport. C'est notre principal fonctionnement. Donc l'idée, c'est de dire qu'on peut se donner des petits conseils parce qu'il y a quand même un vécu qui est semblable. L'intérêt de militer dans une structure qui a été pensée par les personnes trans et pour les personnes trans et leurs proches, c'est que d'une part, il va y avoir des enjeux qui sont vraiment propres aux personnes trans et pour lesquels les personnes LGB et autres n'ont pas nécessairement de connaissances. Même des personnes qui vont sincèrement vouloir se positionner en allié, elles peuvent être ignorantes sur certains sujets. Et puis par ailleurs, en termes de mixité et de non-mixité, c'est vrai que je pense que pour des personnes trans, surtout quand on est plus vulnérable et qu'on est par exemple en début de parcours, le fait de pouvoir se retrouver et réfléchir ensemble dans ces cercles sans avoir à constamment faire de la pédagogie et se justifier, pour moi, c'est les principales raisons qu'il y a à militer uniquement au milieu trans. Aaron et Max sont militants à outrance. C'est aussi une façon d'affirmer qu'on est expert de nous-mêmes. Et les personnes trans ont, je pense, une expérience qui remonte très loin de gens qui ont essayé d'imposer certaines choses, que ce soit les psys, que ce soit les médecins, que ce soit la société en général, qui a essayé d'imposer aux personnes trans d'être quelque chose qu'ils et elles n'étaient pas. Et c'est très important maintenant qu'on en a la possibilité que la parole des personnes trans revienne aux personnes trans. Le LGBT a un sens, le fait de se regrouper dans ce sigle-là, mais dans les parcours trans, il y a quand même quelque chose de différent aussi, parce que tout simplement, être trans, c'est aussi pas une sexualité. D'ailleurs, nos permanences pour les personnes trans et en questionnement sont non mixtes, et c'est quelque chose qui est pour nous absolument pas discutable. Quand on lit votre livre, on voit aussi que la question des rapports des personnes trans avec les gays, les lesbiennes, ça n'a pas toujours été simple. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement, la façon dont les gays, les lesbiennes se sont incorporés à la société, c'est fait un peu sur le dos des trans. Moi, je me demande, mais comment c'est possible de demander la PMA alors qu'en ce moment, des trans qui veulent laisser du sperme ou des ovules dans les GECOS, donc les endroits où on laisse tout ça, ils peuvent pas. Donc d'un côté, on a les gays et les lesbiennes qui veulent se marier, mais ils veulent pas le dire pour les trans parce que ça ferait tâche. Et de l'autre côté, au même moment, on continue à stériliser les trans. Il y a un souci, non? Je pense que le mouvement gay et lesbien, en tout cas officiel... Sam Boursier, sociologue... Qui ne jure que par les droits... Et maître de conférence à Lille 3. Et qui est un mouvement homonormatif, volontiers raciste, volontiers homonationaliste, qui découvre le féminisme pour dire que les Arabes traitent mal leurs femmes et les homosexuels. Enfin, ça va, quoi. Je pense qu'il s'occupe du T de trans, parce que ça... Évidemment, il y a une transnormativité qui arrive. Il y a aussi le fait que maintenant que les gays et les lesbiennes font des enfants deviennent productifs et reproductifs, on s'occupe d'eux au travail pour qu'ils se sentent bien au travail, donc d'où tout cet arsenal de lois antidiscrimination au travail. Ils le font pas pour les trans, ça vient pour les trans, mais ça c'est une fraction blanche, aisée, reproductive, productive, à la fois eux ils diraient de la population, puisque maintenant ils en parlent comme ça, LGBT, mais toutes les personnes queer, toutes les personnes non normatives ou les personnes racisées, donc LGBTQI racisées, ou qui une pensée politique différente, un agenda politique différent, notamment qui prennent en compte la justice sociale, la redistribution économique, ils passent à l'as. L'agenda queer et transféministe, c'est pas l'agenda des gays et des lesbiennes propres sur eux qui veulent pousser la poussette, qui ont oublié qu'ils pouvaient faire des enfants tout seuls. Dans les années 90, les lesbiennes faisaient des enfants avec une sperm party où on prenait le sperme d'un copain et on pensait pas que le copain, il allait vous attaquer en justice pour devenir le papa. Je voyais l'autre jour un reportage où Friedman était content d'inséminer une femme. Je dis, nous on sait le faire. On peut le faire, tout le monde peut le faire. Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Article 60, section 2 bis, de la modification de la mention du sexe à l'état civil. Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Article 61.6. La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. On parle de transphobie au niveau étatique quand la législation continue à faire barrière aux droits des personnes trans. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent entre elles. Et l'exemple le plus flagrant, c'est à quel point c'est compliqué en fait d'avoir des papiers. Alors le changement de prénom a été quand même assez nettement simplifié, et on a l'impression que sur ce volet-là, ça s'est amélioré. Sur la nouvelle loi, en fait, maintenant le changement de prénom se fait en mairie. Le changement d'état civil reste relativement compliqué, relativement long à obtenir. On reste dans une démarche où la personne trans est sommée de fournir des pièces explicatives, c'est-à-dire que ça n'a pas été, contrairement à ce que demandaient la plupart des associations, une procédure simplement déclarative. C'est-à-dire que les associations trans demandaient un changement d'état civil libre et gratuit, et au final, on a eu une loi un petit peu au rabais, où il faut quand même passer devant un juge. Et on est dans la même situation que le changement de prénom, dans le fait où ce qui a été écrit dans la loi, c'est qu'un refus ne peut pas être motivé simplement ou uniquement par l'absence de pièces médicales. Mais la loi ne dit absolument pas quels documents sont nécessaires pour valider un changement d'état civil. Donc on se retrouve à nouveau, d'une, dans un arbitraire, et de deux, dans une injustice selon les régions, parce qu'un juge qui n'aurait absolument pas envie d'accorder un changement d'état civil peut utiliser les expressions extrêmement vagues de la loi. Et le problème du coup de ce système de changement d'état civil, que ce soit l'ancien système ou le nouveau, c'est qu'en fait beaucoup de choses découlent de cet accès au papier. C'est-à-dire que pour une personne qui n'aurait pas accès au changement d'état civil pour quelque raison que ce soit, il y a impossibilité de faire changer sa carte d'identité, il y a impossibilité de faire changer sa carte vitale, et donc ça bloque l'accès à un certain nombre de choses. Ça complique les recherches d'emploi, ça complique les recherches de logement, ça complique absolument n'importe quelle démarche administrative, même la plus futile, comme aller chercher un paquet à la poste. Et c'est vrai que quand on n'a pas besoin d'y penser, ben on se rend pas compte que c'est quelque chose de primordial. Mais quand on a besoin de le faire, on se rend compte à quel point on est fréquemment en fait mis dans ces situations-là, qui, à force, sont épuisantes. Parce que c'est tous les jours, tout le temps, sans arrêt, dans tous les cadres de la vie. Et c'est usant. C'est extrêmement usant. Et après, par contre, là, le changement d'état civil, c'est désolé, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est-à-dire, je ne veux pas aller voir un juge qui demande une pièce, évidemment, qui va être un certificat médical pour dire que je peux changer mon état civil. Je suis désolée. On doit faire ça auprès d'un officier, je sais pas, un greffier à la mairie, et puis c'est tout. Il y a 10 ans que je suis une femme, donc en 10 ans, quand même, les choses ont évolué. Je ne crois pas me tromper en disant qu'on ne peut changer de genre sans pour autant se faire repérer, puisque la loi, avant, demandait quelque chose d'irréversible. Alors, personnellement, moi, ça ne m'a jamais gêné parce que je ne voulais plus de ce sexe. Alors, je suis arrivé quand même un jour au tribunal, et j'avais une sciatique qui me faisait horriblement souffrir, donc j'avais besoin d'étendre la jambe, j'avais mis une chaise pour poser mon talon, de manière à avoir la jambe étendue. Et puis, il y a madame la juge qui est passée, qui m'a dit « il faudrait libérer le passage, madame ». Et puis après, quand on est rentré en audience, elle a vu que j'étais la personne qui venait demander son changement de genre. Et elle m'a dit « bon, alors on va raccourcir les délais ». Après que je lui ai expliqué qu'elle m'avait appelé madame et que je voulais juste que ça soit cohérent avec mes papiers. Alors j'ai toujours un état civil assez précaire, comme on pourrait dire. Il est fluctuant. Sur mon passeport est toujours écrit Philippe Ménard, avec un M pour le sexe. Ma carte d'identité, on m'a rajouté FIA. Alors après, j'ai des comptes en banque, j'en ai deux. Là, j'en ai un où je fais faire de la publicité pour la Banque Postale, qui m'a bien reconnu en tant que Madame Ménard FIA, et une autre banque, Crédit Coopératif, qui passe son temps à écrire Monsieur Ménard FIA. Mais ce qui fait jurisprudence, c'est qu'un beau jour, j'ai été faite chevalier des arts et des lettres par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, au nom de Madame Ménard FIA pour mon art et mes actions. Et alors, c'est là où on peut s'apercevoir que du coup, tout ne tient qu'à une sorte de rapport de reconnaissance. Alors, je pense qu'il faut militer, en effet, pour que nous puissions avoir des papiers sur simple présentation en mairie. Alors, je continue à me battre pour ça. Et c'est aussi pour ça que, pour l'instant, je maintiens mon identité. Donc de l'existence, et comme tu peux le remarquer, rien n'a véritablement avancé. Toi, par contre, tu perds ta caméra. Merci, c'est l'enfer, les trois sont en colère. Merci, c'est l'enfer, les trois sont en colère. Dire qu'on est aux mains des psychiatres, on n'a pas le droit de disposer de son corps, et ça, c'est intolérable. Nous ne sommes pas considérés comme des citoyens à part entière. Un homme, c'est comme ça. Une femme, c'est comme ça. D'accord, le psy, tu nous parles. Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune loi qui le stipule, la très grande majorité des chirurgiens et des endocrinologues vont exiger un certificat psychiatrique pour prendre en charge une personne trans. Donc dans la réalité des faits, la majorité des personnes trans vont à un moment ou à un autre devoir passer devant un psychiatre qui va écrire un papier qui finalement est un équivalent de diagnostic pour dire à l'endocrinologue ou au chirurgien « cette personne en fait n'a pas de trouble mentaux qui l'empêcheraient de prendre des décisions sur sa vie et sur sa santé, elle est apte à faire ses choix et donc je ne m'oppose pas en gros à ce que les personnes puissent faire un parcours chirurgical et ou hormonal. On est malgré tout quand même pris pour des personnes qui sont pas saines d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun autre cas en France où où on oblige les gens à aller voir un psychiatre, tout en leur disant « mais c'est dépsychiatrisé, vous n'êtes pas dans un cas psychiatrique », alors que la réalité est que oui. Voilà, on considère qu'un adulte, à partir du moment où le médecin lui explique le traitement, les conséquences, les risques, et que la personne donne son consentement éclairé, la personne a accès aux soins, et c'est comme ça pour la très grande majorité des soins médicaux. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pour les soins liés à la transidentité. Nous, notre revendication, c'est la dissolution de la SOFECT. La SOFECT, c'est une association, en fait. Et ces équipes se présentent comme officielles, et ces gens disent qu'ils sont des spécialistes. C'est des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles il y a du coup des psychiatres, des psychologues, des endocrinologues et des chirurgiens. Raphaël, fondateur de West Trans. C'est un peu bizarre de vouloir avoir le monopole sur les transitions quand on n'a pas du tout les moyens de couvrir les demandes. Par exemple, à Bordeaux, il y a 2 ans d'attente pour avoir un premier rendez-vous. Enfin, c'est juste hallucinant. Pour une opération génitale à Lyon, là, il y a... Souvent, on peut pas prendre de rendez-vous, il faut rappeler 1 an après. Ensuite, il y a 1 an pour voir le chirurgien et 4 ans sur la liste d'attente. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et les opérations génitales se font forcément dans ces équipes. Les éviter, c'est super compliqué parce que une personne qui serait pas dans des réseaux d'autosupport et tout ça, qui va chercher sur Internet comment transitionner, va tomber sur le site de la SOFECT. Et il y a ces problèmes avec les CPM, en fait, aussi, qui, dans les endroits où la SOFECT est implantée, va essayer de rameuter les gens vers les équipes. Après, c'est probablement plus difficile pour des personnes précaires d'éviter de passer par la SOFECT, parce que c'est pas le seul parcours remboursé, mais c'est un peu plus subtil que ça, parce que on peut tout à fait être remboursé dans le privé ou hors SOFECT, c'est pas un souci. Le problème, c'est que dans le privé, les médecins ont souvent des dépassements d'honoraires. Bonjour. Ah, pourquoi, je n'ai pas de clé portable ? Non, rien. Rien du tout. Non, non, rien. Et du coup, le tribunal des affaires sociales, il est... Vous invité. Merci. Sur votre gauche, au pied des grands escaliers, la salle est allumée là-bas. C'est la salle René Lévy. C'est le 23. Le 21 mai. Je vais noter parce que... C'est jamais. Vous en êtes bien sorti, bravo. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait si bien que ça en fait. J'ai l'impression d'être liquéfié sur place quoi. Tout le monde est d'accord, il y avait même une juriste qui a levé son pouce pour dire « si, c'est bon signe ». Et que c'était bien. Pendant que tu parlais, elle se retournait vers moi et me disait « c'est bien ce qu'il dit ». En fait, j'ai juste pris l'exemple sur les avocats qu'on y parlait avant, juste avant en fait. Et j'ai essayé de faire comme eux, j'ai essayé de parler comme eux en fait, tout simplement, par copie en fait. Je me dis, il n'y a que ça qui fonctionne. Si on leur parle sur le même ton, peut-être que... Mais je sais pas. Et vous pouvez nous expliquer, peut-être, Evan Vergassola, justement, ce qu'était cette affaire aujourd'hui, là, qui était... Voilà, c'est l'audience du tribunal de la Sécu, là, en fait. Parce que ils veulent pas prendre en charge ma mastectomie, sous prétexte que je leur envoie pas un certificat co-signé en psychiatre, en doc et je sais plus quoi, chirurgien, je crois. Le truc, c'est que c'est une opération qui n'est pas soumise en temps de préalable, donc ils n'ont pas le droit d'exiger ça normalement. Je sais pas, c'est contraire au code de la Sécu en plus. C'est la Sécu qui pose ses codes et ils se contredisent eux-mêmes, puisque bon, on a quand même le libre choix de ses médecins. On a le libre choix de l'établissement de soins, justement. Donc, voilà, ils se contredisent eux-mêmes. Enfin bon, voilà, maintenant. L'expertise psychiatrique, il n'y a même pas à l'exiger, en fait, tout ça pour ne pas prendre en charge. À mon avis, c'est une tentative de renvoyer vers les équipes pseudo-officielles, en fait. Parce qu'il y en a de plus en plus qui se créent de ces équipes-là. C'est des équipes qui sont autoproclamées officielles. Il n'y a personne qui leur a dit de venir se poser là. Il n'y a personne qui a dit bah, faut tel chirurgien, tel psychiatre, machin, pour poursuivre les trans, machin. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu copains avec le médecin conseil national pour justement une mainmise. Et est-ce que vous avez... Parce que là, quand on écoutait dans la salle du tribunal des affaires sociales, quand on entendait l'argumentaire de la CPAM, on avait quand même l'impression qu'il y avait vraiment une façon quand même de pathologiser... C'est pathologisation à fond. Hein. C'est eux, la sécurité sociale, la CPAM 29, du moins pour la Bretagne, et bizarrement, dans toutes les CPAM, j'ai remarqué ça, dans toutes les CPAM où il y a une équipe SOFECT, il y a une pathologisation à fond alors qu'on n'est pas plus malade que d'autres. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, je me sens pas malade. Bon, la sécu veut nous faire passer pour des malades. Donc, bah, pour eux, on est des malades mentaux. C'est vrai que je précise pas, mais pour eux, on est des malades mentaux, en fait. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour vous, Evan ? Alors, ben, déjà, pouvoir faire ma mastectomie, déjà. Celle-là, une fois que ce sera passé, je pense que je vais me poser un peu au niveau chirurgie, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Puis bon, bah, le changement d'état civil qui est en cours, dossier déposé là, au mois de janvier, donc... Là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre avant de se rappeler au bon souvenir, mais une fois que ce sera fait, ben, je m'en vais. Mais bon, on verra bien. Evan Vergasola a gagné son procès contre la CPAM du Finistère en mai 2018. Et sa mastectomie sera prise en charge, comme prévu par la loi. Là, dans cette affaire, ce n'est pas un problème rare avec les CPAM. Bon, bah, pour moi... Quand c'est exceptionnel par rapport au droit commun, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça de la discrimination. Bah, comment ça se fait que dans la CPAM 29, que ça marche comme ça, et que ça marche pas du tout comme ça dans la CPAM des Côtes d'Armor ou de l'Ille-et-Vilaine? À cette occasion, la Fédération Trans et Intersexe a envoyé, en recommandé, il y a bien 6 mois, une lettre au médecin conseil national, et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse. Nous, bon, on attend encore, mais on ne va pas attendre longtemps. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Après la 5e, où j'étais plutôt en échec scolaire, j'ai fait un CAP de cavalier soigneur et j'ai travaillé dans le milieu des courses de chevaux. Tom Rocher, psychologue. Puis après quelques accidents, j'ai fait un reclassement en informatique, j'avais 23 ans. Et ensuite, après plusieurs années dans l'informatique, bah, c'était la période justement où j'ai transitionné, où j'ai aussi perdu mon emploi à cause de ça. Donc il s'est trouvé que j'habitais à Saint-Ouen. Et l'université de Paris 8 était à Saint-Denis. Prenait sans le bac, je n'ai pas le bac. J'ai bac plus 5, mais je n'ai pas le bac. Et donc, je me suis renseigné, je suivais une psychothérapie depuis plusieurs années, ça m'intéressait de creuser ces questions. Et donc, j'ai tenté ma chance, et puis ça a bien fonctionné. Et donc, j'ai mis 10 ans à faire ce parcours qu'un étudiant normal met en 5 ans, mais tout en continuant à travailler. J'ai choisi aussi de m'intéresser aux questions trans dans mon cursus parce que tout ce que j'ai pu lire, c'est Colette Chilan et compagnie, Patricia Mercader, Colette Chilan, enfin, que des gens qui finalement étaient négatifs sur le sujet, Lacan aussi. Et c'était pas possible de ne pas apporter une autre voix sur ces questions, quoi. Donc ça a été l'objet de mes mémoires de ESS parce que bah, y avait rien, quoi. J'ai fait mon trajet, ma trajectoire identitaire au moment où je voulais faire un doctorat. Bon, j'ai arrêté le doctorat parce que je ne me sentais pas à l'époque en capacité de le faire. Ça aurait été un cauchemar. Karine Espinera, chercheuse en sociologie. Je n'aurais pas été en capacité émotionnelle d'affronter la transphobie dans l'université au quotidien. Et cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. C'est un rêve. J'ai toujours rêvé, moi, de faire de la recherche, d'avoir ce doctorat. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et le second point, c'était, oui, un acte aussi de militantisme dans le sens que on ne voyait que des écrits maltraitants à l'époque. Enfin, tous ceux qui étaient à disposition des personnes trans, c'était du Chilan, du Mercader, du Millot, qui étaient des charges parfois même très violentes vis-à-vis des personnes trans, qui nous dépeignaient d'une façon absolument horrible et on faisait passer ça pour de la science, quoi. Et pas d'écrits trans, comme aux États-Unis où dès les années 90, les personnes trans ont investi à l'université, ont commencé à produire des savoirs, situer des savoirs trans. Et je me disais, tant qu'on ne on va pas dire nous-mêmes nos réalités, ça sera toujours fait par l'extérieur. Donc il y avait cette idée-là de venir, de produire des savoirs. Et, en tout cas, que je sache, d'ouvertement trans sur un sujet trans, j'ai été la première, a priori. Donc, recommencer des études à 40 ans, ça n'a pas été évident. Je l'ai fait sans financement. J'ai décidé de le faire ouvertement comme personne trans parce que je ne voulais pas que ma recherche soit disqualifiée. Alors quand je dis que ça n'a pas été facile, ouais, c'est vrai que déjà mon sujet a détonné un peu. C'est quoi votre sujet ? Alors c'était la représentation, donc la construction médiatique des personnes trans dans les médias. qu'est-ce qu'il fait, quels sont ces imaginaires qu'on mobilise pour imaginer l'autre. Donc, on a toujours abordé les personnes trans par rapport à leurs hormones, par rapport à leurs opérations, éventuellement leur changement d'état civil. Mais quelque part, toute cette politisation et cette mobilisation associative était très très méconnue. Et on n'en parlait pas et je trouvais qu'on passait à côté de données précieuses et que si à un moment donné on ne les pose pas, on les perd, elles vont s'évanouir. Alors que là, au moins, on peut participer à les fixer. Parce que je pense qu'on peut être universitaire et y être engagé en même temps. Mais je me suis aussi retrouvé en tension avec une partie des personnes trans, comme si j'avais trahi ma classe sociale, par exemple. Hein, ça a été perçu comme ça, là. Alors qu'en fait, non, c'était un acte presque d'empowerment. C'est milité, mais autrement. On a publié dans les bibliothèques maintenant, il y a aussi des savoirs trans. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se mettent à écrire, qui se mettent à traduire, etc. Ça n'a pas été rose, quoi. J'en ai bavé dans l'université les premières années, c'était extrêmement dur et j'ai envie de dire, et même aujourd'hui, je suis universitaire, mais je suis universitaire précaire. Hein. En France, vous êtes trans, vous êtes au RSA, vous avez une thèse, vous n'aurez pas de job. Il faut que les trans puissent vivre normalement, étudier à l'université française. Et ce n'est pas le cas. Je suis désolée, ils sont comme la théorie de genre, ils sont comme les cathos, on ne prend pas la place. On a le droit à un espace. On a le droit en tant que féministe, on a le droit en tant que personne LGBTQI, plus handi aussi, parce qu'il y a tout ce problème en ce moment, l'intégration des handis à l'université, parce que les facs reçoivent 10 000 euros par personne handicapée. Mais c'est juste pour les mettre sur des roulettes, c'est pas pour, par exemple, faire un enseignement aux disability studies. Ça, c'est vraiment pénible parce qu'on bride intellectuellement et subjectivement les gens. On a une double vision. Quand vous êtes noir, vous connaissez la culture noire et la culture blanche. Quand vous êtes queer, on a tous été élevés dans la culture hétéro. Donc on voit plus de choses, mais on fait les choses différemment. Donc c'est légitime, c'est juste qu'on ait un espace dans l'université. Et en ce moment, c'est crucial puisqu'ils sont en train de tuer l'université. Mais ça fait 4 ans que je suis à la fois une personne ressource, parce que je suis un des rares profs out en France. Je ne dis pas que c'est une qualité, je dis que je pense que les autres ne peuvent pas le faire, bon, sauf que moi je l'ai fait. Il y a beaucoup de trans, beaucoup de queer, beaucoup de transféministes, voilà, qui n'ont pas leur place dans l'université française actuellement. D'accord, on va voir si ça marche. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Et justement, vous avez essayé, Sam Boursier, de monter un diplôme à l'université. C'était un très beau master qui s'appelait Genre et Interculturalité avec le Brésil, avec le Mexique où il y avait une double diplomation et Guadalajara, l'Institut Simone de Beauvoir à Montréal, l'Angleterre avec Hull, l'Espagne et il ne manquait plus que la Grèce. Moi je voulais qu'on fasse quelque chose avec la Grèce. J'avais associé tous les gens de Lille qui travaillaient sur les genres. Bref, j'ai travaillé 2 ans non-stop avec une collègue. Et puis, tout allait bien. Et vraiment, il était original parce que par rapport aux autres cursus, il y avait des cours de performance, il y avait du théâtre, il y avait de la littérature. Parce que ça, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y avait un petit laboratoire d'épistémologie mené par les étudiants. Enfin, c'était juste... Et puis, il y avait une problématique, évidemment, intersectionnelle. Mais si vous dites que c'est un master genre et race, vous dites race, vous n'avez pas votre accréditation. Et là, on me fait comprendre que bah, tu ne peux pas co-diriger le master. Co-diriger ! Pardon, et fait part à tous nos partenaires internationaux de ce qui se passait, qui, eux, n'ont pas très bien compris pourquoi ils ne pouvaient pas continuer à travailler avec Sam Boursier, donc ils se sont retirés. Donc tout est tombé par terre. C'est en parlant avec une collègue de l'Institut Simone de Beauvoir, elle m'a dit, bah, en fait, t'es discriminée, je ne le voyais pas, parce que moi, je bossais. Elle m'a dit, ouais, écoute, c'est la discrimination, au bout d'un moment, voilà. Donc je l'ai mis sur le tapis comme ça, en disant, alors pourquoi ? Et toute la fac a suivi, donc c'était ubuesque, parce que la fac voulait le truc, mais sans moi. Donc, on a fait une réunion, et là, la merde est sortie. La merde épistémologique, le raidissement universaliste républicain. Alors, ils font un micro-pénis pour faire des études trans ? Ah, parce que nous, on ne sait pas s'en occuper. Quand il y en a dans nos classes, on est gentil avec eux. Il fallait expliquer que les minorités sexuelles de genre racisé ne sont pas des petits chatons qu'on caresse dans la boîte en carton. Ça a été, mais au moins ça a eu le mérite, j'ai enregistré, j'ai l'enregistrement. Et je lui dis, j'ai vu passer des mails où il est dit, on n'en veut pas de lui. Donc c'était un master contre les discriminations, où la personne qui pouvait le diriger, et que bon, quelque part ça va, je touche un peu, elle était discriminée. Ça, c'est vraiment le type de violence épistémique et administrative que seule l'université française peut générer actuellement quand même. Du coup, oulala, non, tu te tais. Alors. Oh non, mais c'est absolument pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est bon, là, on est où. Salut tout le monde, et plus particulièrement, salut à toi, Mégalion, qui m'a demandé si j'avais des conseils concernant le coming out. Tu dois le faire pour toi quand tu seras prêt ou prête. Ce n'est pas une obligation de faire un coming out, et t'es pas non plus obligé de le faire à tout le monde. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Les directs, c'est-à-dire aller voir les personnes face à face, et les indirects, comme les lettres, les SMS, les appels téléphoniques, ou même les mails. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, la seule méthode qu'il te faut, c'est celle qui te convient. Mais sincèrement, Mégalion, j'espère que ça se passera super bien pour toi. Je sais que tu es mineur et que du coup, c'est encore plus complexe parce que tu es très dépendant de tes parents. Mais crois-moi, il existe toujours des solutions, et si tu veux faire ton coming out, fonce. Allez, courage. Ma chaîne YouTube, ça s'inscrit dans une démarche plus globale de visibilité des questions trans. C'est-à-dire, j'essaie de parler de la transidentité sans parler de moi-même parce que je trouvais et je trouve toujours Adrien de la Vega, que la façon dont les personnes trans sont médiatisées est discutable. Étudiant et youtubeur. Il y a une différence entre être montré et être écouté et une différence entre être sujet et objet d'un documentaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre, au lieu de passer mon temps à râler, je me suis dit, bah voilà, toute cette énergie, je vais l'utiliser à faire mon propre média entre grandes guillemets. Et voilà, donc c'était dans une démarche de vulgarisation francophone aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations en anglais, et ce manque d'informations concerne les personnes trans à l'adolescence, par exemple, quand elles sont en questionnement, mais aussi les gens qui se posent des questions sur le sujet plus largement, quoi. Ah, t'es trans ? C'est quoi être trans ? On est trans toute la vie ? Chaque personne trans est différente, du coup, ça dépend. Allez, salut ! Je m'excuse pour cette blague vraiment trop faite, mais j'ai le droit, comme tout le monde, d'être un type sans personnalité. Non, en vrai, ce que je dis, ça concerne que moi, ça n'engage aucune autre personne trans. Il faut arrêter de voir les trans comme un bloc uniforme. Aujourd'hui, j'ai presque 9000 abonnés, mais à ma petite échelle, par mois, je fais à peu près 30 000 vues. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient moqués de moi quand j'ai dit, bah, moi, j'ai envie que mon militantisme se base sur les réseaux sociaux et le numérique, en fait. Et je vois, en fait, que ça fonctionne très bien, qu'il y a plein de gens qui font ça maintenant, parce que les choses sont réelles, même si c'est irréel, entre guillemets, Internet, il y a vraiment de l'entraide réelle et une solidarité réelle. Et les informations, bah, elles sont bien réelles, quoi. Ça nous permet vraiment de s'organiser. Il y a vraiment des choses très positives et je pense que ça aide beaucoup de jeunes. Et justement, on voit beaucoup de jeunes personnes transgenres qui ont des comptes Twitter, ont des comptes Instagram, s'exposent, se montrent des photos avant-après, on montre des photos de progression, on fête son premier anniversaire de testostérone. Et finalement, on expose avec fierté des choses qu'autrefois, on essayait de cacher. Il faut savoir que si c'est beaucoup médiatisé, c'est parce que c'est une approche qui est très sensationnaliste quand elle est perçue par les personnes cisgenres. C'est des choses qui peuvent être des rituels de self-care, prendre soin de soi, tout simplement. C'est des rituels où tout simplement de dire, moi je m'accepte tel que je suis, mais je pense que c'est des démarches qui sont très personnelles et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte aussi du regard, surtout les jeunes, du regard qu'ont les autres envers ça, qui ne sont pas forcément un regard bienveillant, mais plus de la curiosité qui peut parfois, bien fois, être malsaine. Moi, si c'était pas un rituel obligatoire des médias de montrer les photos avant, les anciens prénoms, tout ça, ça serait peut-être moins gênant politiquement pour moi de le faire, parce que ça serait plus naturel. Mais en fait, il faut sortir de cette sidération des questions trans. Ce qui me gêne aussi, c'est que voilà, on regarde ces photos, ça fait beaucoup de likes, mais quand on dit « Ouh là là, j'ai du mal à changer mes papiers, il faudrait qu'on légifère là-dessus », il y a moins de gens qui écoutent. Voilà, ce petit lexique est terminé. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris quelques trucs. N'hésite pas à lâcher un j'aime si ça t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une autre réappropriation. À une époque, c'était impensable. C'est quelqu'un qui faisait ça, tout le monde le racontait en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette mise en scène ?» Mais non, au contraire. C'est une fois que les gens faisaient la transition, on prenait les photos et hop, et genre la vie d'avant, elle disparaît. Quoi. Les photos d'avant disparaissent, enfin, tout disparaît. C'est un effet générationnel aussi. C'est aussi une réappropriation. Ça va aussi dans le sens de la visibilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire les gens, quelque part, c'est la honte qui s'en va. Et moi, je trouve ça salutaire. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout, cette mise en scène. Au contraire, je la trouve très, très, très salutaire de la part des plus jeunes qui vont plus occulter une partie de leur vie. Je suis né à 30 ans. Non, mais ces jeunes-là, leur vie, elle est linéaire et ils ne vont pas perdre une partie de l'existence et c'est toute leur existence qui existe. Moi, je trouve ça très chouette. Et alors aujourd'hui, Tom Rocher, donc vous êtes psychologue, est-ce que vous continuez à vous occuper justement peut-être des jeunes, des mineurs transgenres ? J'ai compris que c'était la voie de l'avenir, que plus tôt on pouvait s'y prendre, mieux c'était. Dans les années 98, il y avait une équipe écossaise qui avait présenté son travail, 4 ans de suivi de personnes mineures, transgenres, et donc ça m'avait convaincu que c'était la solution, quoi. C'est-à-dire d'intervenir si possible avant la puberté, de bloquer celle-ci, de se donner un peu de temps de recul, de travail, et puis ensuite vers 14-16 ans, de donner un traitement hormonal dans le genre souhaité, quoi, et de continuer à les accompagner. Et surtout d'accompagner les parents, parce que je crois que les parents ont grand besoin d'aide. Et c'est vrai que chaque fois qu'on voit des personnes, la plupart du temps, je dirais qu'à peu près 80% des gens se trouvent à avoir conscience de cette transidentité dans l'enfance. Et donc, la plupart du temps, il y a des jeunes qui tirent tout à fait profit de pouvoir transitionner. Il y a des jeunes dont les parents ne veulent pas, donc cela, ce n'est pas possible, puisqu'il faut que les deux parents soient d'accord. Et puis, il y a des jeunes qui vont y aller doucement, c'est-à-dire que, là encore... Certains sont aussi non-binaires, hein, comme chez les adultes, mais peut-être encore plus précisément. Ça se présente beaucoup moins caricaturalement, si je puis dire, que les adultes de notre génération. Et vous avez l'impression qu'il y a des réticences chez les médecins à prescrire justement des bloqueurs hormonaux aux mineurs ? Chez certains, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas beaucoup des endocrinologues. Il y en a très peu en France. Je crois que c'est à peu près 1700 sur le territoire. Et on a quoi ici, il y a 50 endocrinologues qui s'occupent de personnes transidentitaires, c'est à peu près tout. Et de ceux qui s'occupent des mineurs, si on les regroupe sur peut-être 10, 15 personnes en France. Des questions que je souhaiterais qu'on me pose. Comment on s'en sort ? Est-ce qu'on va bien ? Quel type de société voulez-vous ? Quelle est notre réalité et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour lutter contre la transphobie ? Peut-on construire un autre modèle de société avec d'autres types de relations autres que les rapports binaires entre hommes et femmes et nul autre ? Prêtez oreille à toutes les voix trans. On n'est pas un bloc unitaire, quoi. On est des individus. Quelles sont nos conditions de vie ? Ça, c'est vraiment la question qui a le plus manqué. Et vous, vous allez comment ? And each checking time did punch me in my side and bleeded like a windfall. Happy bleeding, happy bruising. Merci à Aaron et Max, Raphaël et Kylian, Sam Boursier, Mathilde Daudet, Adrienne de la Vega, Karine Espinera, Fia Ménard, Tom Rocher, Giovanna Rincon, Maud Dieu-Stoma et Evan Vergasola. Merci aussi à Océan et aux associations Accept ST, Outrans et West Trans et au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils, documentation Antoine Vuillot, Véronique Lefalère, Archivina Linda Simon, mixage Catherine Déréthé, Liberté, Égalité, Transidentité, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Annabelle Brouard. Grow back like a star feels. Now grow back like a star feels. Now grow back like a star feels. Now grow back like a star feels. Now grow back like a star feels. Now grow back like a star feels. I grow back like a star. Feel.